Je vous le disais en titre, les 1050 élèves du collège Joseph Hubert à Saint-Joseph font l'école buissonnière. Ce matin, des parents soutenus par des professeurs d'EPS ont bloqué l'entrée de l'établissement afin de protester contre l'insécurité et le manque d'hygiène sur les installations sportives. Depuis 3 ans, les cours d'éducation physique ne peuvent plus se dérouler normalement à cause de travaux qui débordent sur les plateaux sportifs. Le département a bien promis la mise en place de ces structures, mais les manifestants ne voient rien venir. Explication avec Willy Gaume, professeur d'éducation physique et sportive au collège Joseph Hubert. Il rappelle les conditions de travail auxquelles les élèves sont confrontés. Il est au micro de Pierre Komorasamy. Suite aux travaux de la rue du commandant Mahé, notre salle de PS a été détruite et on a un problème de reconstruction. On nous a promis qu'on aurait des vestiaires et des sanitaires et de l'eau pour la rentrée. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, nos élèves ne peuvent pas avoir l'enseignement obligatoire en EPS aujourd'hui. Et puis, on a une surface aujourd'hui très usée, abrasive au niveau de nos installations, où effectivement, les chutes sont douloureuses. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à refaire. Moi, j'ai assisté à 3 réunions où, effectivement, les responsables se sont renvoyés la balle. Donc, on attend depuis au moins déjà 3 ans que des solutions sortent de terre. Et puis, pour finir, on n'a rien aujourd'hui. Et suite à ce mouvement de colère ce matin, une nouvelle réunion est prévue demain matin entre les élus du département, de la mairie de Saint-Joseph et les grévistes. C'est reparti pour un mois d'enquête publique sur le projet de carrière de bois blanc. Depuis ce matin, le nouveau dossier de la SCPR a été déposé dans les 3 mairies concernées, Saint-Leu, les Avirons et l'Étang Salé. Cette carrière doit fournir des roches massives, une grande partie des roches massives d'ailleurs, nécessaires pour la construction de la nouvelle route du littoral. La dernière enquête s'était terminée par un avis négatif du commissaire enquêteur et de nombreuses personnes s'étaient mobilisées contre le projet. Cette fois, ils sont 3 commissaires enquêteurs et 2 suppléants et ils se trouvait en mairie de Saint-Leu ce matin. Le président de la commission d'enquête, le général Hubert Raymond, s'attend-il à une nouvelle polémique sur ce dossier ? Écoutez sa réponse, il est au micro de Sophie Persson. Le dossier a totalement changé. C'est un nouveau dossier, très différent du premier, que je connais pas, que je n'ai jamais vu. Enfin, il y a eu beaucoup de variations. Maintenant, les gens, est-ce qu'ils resteront aussi mobilisés que la dernière fois ? J'en sais rien, on verra bien. Nous, on est là. On a une capacité d'écoute à multiplier par 2 ou 3, parce qu'on ne sera pas tout le temps 3. On sera entre 2 ou 3, suivant les permanences. On verra bien ce qui se passe. Et puis, on rendra notre rapport un mois après. Est-ce qu'il y a de la pression quand on est commissaire enquêteur sur un sujet aussi sensible ? Vous savez, tous les sujets qui justifient une enquête publique sont toujours un peu sensibles. Donc il y a toujours une certaine pression. Il y a des enquêtes publiques où on est seul devant son papier. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Midi 5 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. Et on part tout de suite à Saint-Denis, rue Juliette Dodieu, à la cour d'assises où depuis ce matin, un homme de 49 ans comparaît pour viol sur mineur et séquestration. La victime est une enfant de 11 ans. Elle était hébergée chez l'accusé avec sa mère et ses 3 frères et sœurs au moment des faits. Nadine Bachelot suit ce procès pour Réunion Première. Et ce matin, Nadine, c'est la personnalité de la victime dont il a été question. Alors Antoine, il faut savoir que le 19 septembre prochain, cette petite aura 14 ans et pourtant on lui en donnerait 5 à 6 ans de moins tellement elle est menue avec son visage enfantin. La jeune victime est assise sur le banc de la partie civile, accompagnée uniquement de la représentante de Lara Jufa. Sa mère, qui aurait dû être présente pour la soutenir, brille par son absence. L'enfant serre son petit sac à dos contre elle, un petit sac garni de porte-clés aux effigies de ses dessins animés. Alors, est-ce qu'elle comprend pourquoi elle est là ? C'est la question que l'on pourrait se poser. De l'autre côté, sur sa droite, l'homme de 52 ans, celui qui l'hébergeait, ainsi que sa maman, vous l'avez dit, un homme qui nie une nouvelle fois l'enlèvement, la séquestration et le viol. L'enquêteur de personnalité brosse le portrait d'un homme plutôt positif, gentil, posé, serviable, mais avec une tendance à s'énerver rapidement. La défense demande au psychiatre si son client peut être un manipulateur. L'expert ne peut apporter de réponse à cette question. Quant au président Jean-Pierre Cize, il s'interroge sur la déclaration de la gamine. Spontanée ou dictée. Pour la psychologue, il n'y a aucune raison que la victime mente. La défense s'insurge et sort de ses gonds concernant cette expertise. Elle reproche à la psychologue d'outrepasser ses droits en faisant des interprétations. Les explications de l'accusé sont très attendues. Pourquoi il a emmené la gamine tout un week-end dans une voiture de location ? Nadine Bachelot en direct de la cour d'assises de La Réunion. Je rappelle que l'accusé encourt la réclusion criminelle de 20 ans de réclusion criminelle et ce procès doit se poursuivre jusqu'à demain. Dernière ligne droite pour les élections professionnelles dans les TPE, TPA, les très petites entreprises et très petites associations. Samedi déjà, la CGTR les avait évoquées lors de son conseil fédéral. Hier, c'était au tour du syndicat Solidaire Réunion d'appeler les salariés des très petites structures à voter, car lors des dernières échéances en 2012, seuls 5% des employés de ces TPE, TPA réunionnaises s'étaient exprimés. Un score deux fois plus faible que dans l'Hexagone. Solidaire appelle donc les 50 000 salariés des TPE réunionnaises à voter entre le 28 novembre et le 12 décembre prochain afin de bénéficier des mêmes droits que les autres salariés. Les petites structures représentent plus de 90% du tissu entrepreneurial réunionnais. Un message que souhaite faire passer Jean-Pierre Téchère du collectif de lutte contre l'exclusion. Il a rejoint les rangs de Solidaire pour ces élections. Pour les petites entreprises, il est évident que d'une part, c'est pas toutes les petites entreprises qui veulent absolument écraser, mais eux-mêmes, parfois, ils ne connaissent pas les droits, ils ne vont pas fouiller. D'un côté, les salariés ne connaissent pas les droits. De l'autre côté, vous avez des entreprises non plus qui ne maîtrisent pas toute la législation dans ce domaine. Et donc, il y a cette volonté des uns et des autres de pouvoir chacun en tirer son épingle du jeu. Alors que le but, c'est on donne aux travailleurs, aux salariés ce qui lui revient. Et ça permet aux entreprises aussi de faire leur part de bénéfices. On peut travailler ensemble, les uns avec les autres, dans un climat solidaire, j'ai envie de dire, où chacun retrouve son compte et non pas les uns contre les autres dans cette espèce de guerre interminable, etc. Jean-Pierre Téchère du collectif de lutte contre l'exclusion, candidat pour les élections professionnelles des TPA-TPE avec le syndicat Solidaire. Il était interrogé par Christelle Floricourt. Il y a eu des coups de pied et des coups de poing, mais le tout contrôlé hier à la Rivière Saint-Louis où s'est déroulé le premier festival des arts martiaux, boxe française, judo, karaté, jujitsu, taekwondo ou encore kung-fu. 11 disciplines étaient représentées. L'occasion pour le public de découvrir ce qui se pratique sur la ville de Saint-Louis. La commune compte une quinzaine de clubs de sport de combat et toute la journée d'hier, il était possible de s'initier et d'assister aux différentes démonstrations. Ça s'est passé au gymnase du lycée Jean Joly et sur le tatami, il y avait aussi Suzette Emma et son micro. Ah bah venez faire du taekwondo avec nous, hein, c'est superbe. Manon, 13 ans, est enthousiaste. Elle pratique le taekwondo depuis 4 ans parce que, dit-elle... En fait, c'est toute ma vie. J'ai toujours rêvé de faire du taekwondo. J'aime pas trop me battre et avant, les gens en profitaient sur moi et maintenant, non. C'est pour te défendre ? Oui. L'adolescente s'est si bien défendue qu'elle est aujourd'hui... championne de la Réunion. Raphaël, 11 ans, aspire à faire aussi bien. Il a choisi, lui aussi, le taekwondo. On n'utilise que les pieds, souvent les poings. J'aime les combats en haut pour se défouler. Se défouler, pouvoir se défendre, c'est là-dessus que table Aurore, 11 ans, elle a préféré le karaté. Moi, je fais plutôt les katas, ceux qui sont un peu les plus difficiles, les mouvements les plus difficiles. Bah, j'aimerais être championne. Karaté et taekwondo, deux disciplines à succès, souligne Dani Lastouya, instructeur. Bah, on essaie de mettre en place des ateliers très dynamiques. Ils aiment bien ça, on essaie de varier par plaisir et pratique les deux à la fois. Ils voient qu'on a des bobs, on appelle ça, tout ce qu'on rapport matériel, ça les plaît. Puis le côté spectaculaire de la discipline en lui-même. Et on peut commencer très tôt à pratiquer, en témoigne le jeune karatéka Lucas, 3 ans et demi. Je fais les roulades et après je cours, après je saute. Montre-moi comment tu tapes. Oulala, les petits pois, ça y va. Et voilà, reportage signé Suzette Emma. En sport, en football, l'US Sainte-Marie a mis fin au règne sans partage de la jeunesse Saint-Pierroise hier à Duparc lors de la 10e journée du championnat de D1 régional. Les Sainte-Mariens se sont imposés 2-1 sur leur terrain, notamment grâce aux performances de Galdisson. L'attaquant malgache a été l'auteur d'un but, mais aussi de la passe décisive qui a permis à Fabrice d'ouvrir le score à la 9e minute. Mais cette victoire reste la victoire d'un collectif, comme le rappelle Fred Bachelier, le coach de l'US Sainte-Marienne. On a perdu notre latéral gauche, obligatoirement, il fallait positionner un droitier de ce côté. Il s'est pas mal défendu d'ailleurs, il a fait un match honorable. Puis de réorganiser un petit peu le milieu, et puis bon, comme on était presque un petit peu dans l'obligation de gagner ce match, sinon on aurait été vraiment trop éloigné du leader. Comme nous, on veut garder cette troisième place, on avait à cœur de gagner ce match. Déception évidemment après cette première défaite de la saison pour la Saint-Pierroise. Écoutez l'entraîneur de la JSSP, Christian Daffreville. On n'a pas été dans le coup. C'est ça le football, hein. À un moment donné, dans la saison, ben, on peut perdre des matchs aussi. C'est vrai qu'on reste sur des belles victoires, mais bon, on est trop en dessous techniquement. Et puis individuellement, il y a eu trop d'erreurs. Est-ce que l'absence de Quentin Boisseau, ça a pesé? Non. On est un groupe, ceux qui sont là on jouait. Et malheureusement, on n'a pas eu la réussite. Des propos recueillis au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. On fait rapidement un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. C'est la pagaille sur la ligne TGV entre Paris et Bordeaux. Le trafic des trains est totalement interrompu depuis 7 heures ce matin. Un corps a été découvert sur les voies près de Poitiers. La circulation des TGV doit reprendre d'une minute à l'autre, mais la SNCF prévoit de gros retards, au moins jusqu'à midi. Il avait fait de la lutte contre l'évasion fiscale son cheval de bataille, alors que lui-même trichait. Jérôme Cahuzac est de retour au tribunal, reprise de son procès. L'ancien ministre du budget est jugé pour avoir dissimulé de l'argent à l'étranger. Il risque 7 ans de prison. Une chaîne humaine dans les rues de Calais pour demander le démantèlement de la jungle. Main dans la main, routiers, agriculteurs, commerçants, habitants manifestent en ce moment. Ils bloquent en même temps l'autoroute A16. Des actions pour réclamer la fermeture du bidonville dans lequel s'entassent des milliers de migrants. Le gouvernement a promis son démantèlement. Les pompiers sont en grève dans le département du Haut-Rhin, en Alsace. Ils s'opposent à une augmentation de leur temps de travail, ce que souhaite le département pour faire des économies. Un rassemblement aura lieu dans quelques minutes à Colmar. Et puis le plus grand gorille du monde pourrait disparaître, ce singe qui vit en Afrique, dans les forêts de la République démocratique du Congo. Il est menacé d'extinction à cause du braconnage. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui s'alarme. 12h14 sur Réunion Première, le 12-13 continue. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le thème de votre émission aujourd'hui concerne directement 116 000 personnes à La Réunion. Ce midi, Philippe, c'est dans l'actu et consacré à l'illettrisme. Oui Antoine, à l'occasion des journées nationales de lutte contre l'illettrisme, trois invités pour répondre à vos questions, auditeurs au 02 62 99 2000. L'élu de la région chargé de ce dossier, le grand patron du RSMA, le régiment du service militaire adapté, puis le responsable du centre de ressources sur l'illettrisme, les textos également au 06 92 70 2000. Un point sur votre météo. Cet après-midi, le volcan se retrouve au soleil, mais les plaines restent dans la fraîcheur et l'humidité. Il fait plutôt beau entre Saint-Benoît et Saint-Denis et il fait encore plus beau dans le sud-ouest. Dans l'ouest, comme d'habitude, la couverture nuageuse s'étalera entre Saint-Leu et Saint-Denis avec de petites averses à mi-pente. Et puis, côté température, il fait entre 15 et 16 degrés au volcan et à la plaine des Palmistes, entre 22 et 23 sur la côte est et 23 et entre 23 et 25 dans l'ouest et jusqu'à 20 degrés dans les cirques. Le vent de secteur est modéré, les rafales atteignent les 60 km/h vers Saint-Pierre et jusqu'à 50 km/h dans le nord. La mer est agitée, presque forte dans le sud sauvage, en raison de la combinaison d'une houle d'Alizé et d'une houle australe voisine de 1,50 m à 2 m. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. C'est reparti pour la troisième édition du salon Run in Tech, les 7 et 8 septembre prochains, le rendez-vous annuel du numérique réunionnais. 70 conférences, 50 exposants, 50 ateliers, 40 étudiants et deux concours inédits avec une thématique sur la mise en valeur des savoir-faire locaux en termes d'innovation. Un salon par les professionnels, pour les professionnels. Réunion Première vous fera vivre cette manifestation en direct depuis un hôtel de la côte ouest, les 7 et 8 septembre prochains de 10h à 18h. Inscription gratuite sur www.runintech.re. Ôtez Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Première. Première.

hein, tel expitoyable. Oula laisse à moi entrer dans toute l'âme. La sorte mon esprit dans la noyade. On peut pas m'imaginer la façon où l'arrivée fait grandir et fait réfléchir à moi. Faut m'y arrêter de penser, pas maman passer quand nous détenons se met dans la main. À la mort, à la vie, ça m'est mis balais, ça où aller. Jusqu'au bout du monde, c'est ce qu'on s'était dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle laissait aller et puis tout est fini. Pourtant, où ça m'est. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Calvin Harris featuring Rihanna. Rihanna qui, ça y est, ben ça y est, messieurs, essuyez vos larmes parce qu'apparemment c'est officiel, elle est en couple avec Drake, le rappeur canadien, tatouage en commun, la fine embrasse, et apparemment elle parle même de mariage. Bon, c'était donc Calvin Harris et Rihanna sur Réunion Première. La Réunion est magnifique, le plus bel de tous les tropiques. Et ces vibrations les magiques, quoi. Toute Caprine est authentique. Yeah, yeah, me. 974, 21 juin 2012, moi faire ou connaissance. Sans ou pour moi, tu y a une nouvelle naissance. Mon attiré pas ou beauté, ou simplicité ferme, les qui a pâté. Moi, Corinna, sa sentiment mélancolique. Comme ils ont mis de l'or et tout en bout de San Maurice. Depuis sa sous-réunion, gravée dans les quais, promets tout moi pourrait une voix où. bagatelle. La ville est douce, la ville est belle. Appréciez-les tous les temps. Ça m'y rêve depuis longtemps. La Réunion, elle est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, ouais. Toute Kaffrine, elle est authentique. Qu'il faut tous les années. Kaloubang fait pêtre à Gaden, sol reggae. Faut des voix comment l'amour circule dans l'air. L'union fait la force emmène le succès. Peuple réuni, un seul état d'esprit. Peine à division, tout problème est dans son solution. Récipe, réunion manque pour amour. Prononce à nos poumons, réconfort. Rayonner, zone pays Marie-Soli. Dans tout sens du terme, vrai pas menti. Moi bien pressé, zone bande type la créole. Aussi la façon ban frère rigole. Comment il est? Mais la Mauricien qui position. Correctement 974, toujours dans mon vision. Mission, mission extraction. Babylone, rate mon passeport, laisse-moi aller. La Réunion, elle est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, ouais. Toute Kaffrine, les authentiques. Maurice, un joli pays, mais l'état complique tout. Des à la vie compliquée, zone pas les tiers, ça la sonne, donne-nous les pieds. Maurice, malade, me dis-il malade, ouais. Mais me connais, 5-6 années guéri toute malade. Ceux qui n'en les connaissent, mon papa raconte salade. Plaisir pour soigner sa bande, frérot. Pantas un peu, bande trip nouveau. La Réunion, place idéale, pas douce, mon cerveau. Cassin pose loin en bande, l'esprit bombo. 9-7-4 dans les quais négro. Moi kiffe le nord jusqu'à le sud, l'est jusqu'à l'ouest. Réunion, ça son spécial pour eux. Dans tout ban sud tropical, fait où connaît. Ou même number one, yeah. La Réunion, elle est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Une déclaration d'amour à la Réunion de la part de Wesson, c'était La Réunion. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Réunion Première, il est 13h, voici le journal de France Info. L'info, c'est avec Agathe Mahuet. Bonjour Agathe. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est donc l'information de cette matinée. Le parquet de Paris requiert le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Big Malion, l'ancien président suspecté d'avoir dépassé le plafond des dépenses lors de la campagne 2012. Le détail dans un instant. Dans le reste de l'actualité, de grosses perturbations sur l'A16 près de Calais. Les habitants réclament le démantèlement immédiat de la jungle où vivent plus de 7000 migrants. Opération escargot sur l'autoroute. La guerre en Syrie qui se poursuit, au moins 30 morts dans une série d'attentats ce matin, tandis qu'au G20, les Américains et les Russes butent sur le sort de Bachar al-Assad. France Info. Ce sont donc les réquisitions du parquet de Paris. Rien n'est encore fait pour le moment. Le parquet qui requiert le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. C'est une information que vous nous confirmez au service police-justice de France Info. De quoi l'ancien président est-il soupçonné précisément, Élodie Guéguin? Eh bien, de financement illégal d'une campagne électorale. On va rappeler le cadre, le contexte de cette affaire dite Big Malion. C'est la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne un certain nombre de cas de l'UMP et de membres de la société Big Malion d'avoir mis en place un système de fausses factures pour imputer au parti, à l'UMP, plus de 18 millions d'euros de dépenses, notamment pour des meetings qui auraient dû figurer dans les comptes de campagne du candidat Sarkozy, ce qui n'a donc pas été le cas. Alors dans cette affaire, le parquet demande le renvoi de 14 personnes, dont, on l'a compris, Nicolas Sarkozy. Ça ne veut pas dire que l'ancien candidat, l'ancien